La reconnaissance des reliques de Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face eut lieu le 27 mars 1923 au matin, en présence de Sa Grandeur Monseigneur le Meunier, des membres du tribunal ecclésiastique de la cause, quelques prêtres ou assistants, et deux médecins assermentés, le docteur Loisnel et le docteur Viel. Le premier avait déjà procédé à la reconnaissance anatomique lors de la deuxième exhumation en 1917, et son rapport très complet permit d'identifier rapidement tout le squelette, disposé sur une table recouverte de moire blanche, dans le sanctuaire. Monseigneur voulut bien se rendre à la porte de clôture, pour nous faire vénérer le chef béni de notre petite sœur. Le travail des docteurs terminé, quelques sœurs, dont sœur Geneviève, Céline, et sœur Madeleine de Jésus, sortirent dans la petite sacristie extérieure pour envelopper les précieux ossements dans des étoffes de soie, les attacher avec des rubans blancs, et les placer dans les reliquaires. Monseigneur le Meunier et le postulateur avaient prélevé chacun quelques ossements pour satisfaire les demandes qui leur seraient faites en France, et dans le monde entier. On mit aussi de côté quelques fragments, qui réduits en parcelles, serviront pour les petits reliquaires destinés à nos Carmels de France. Dans un petit coffret allongé, en bois de rose, furent mises les côtes, et tout le reste fut déposé avec soin dans la magnifique châsse du Brésil, tout en argent doré massif, avec croix de diamant. C'est un chef-d'œuvre exécuté par Monsieur Brunet, orfèvre à Paris, 13 rue de Grenelle, sous la direction de Monsieur Ménage, architecte à Caen. Elle a été offerte par une souscription pour ainsi dire nationale, faite au Brésil, à l'instigation du révérend Père Rubillon, de la Compagnie de Jésus, du Collège Anchita, Nova Friburgo, État de Rio, et encouragée par la majorité des archevêques et évêques du Brésil. Le petit coffret en bois de rose destiné au corps saint de la Grande Chasse et la petite chasse brésilienne furent ensuite fermés par trois clés différentes et scellées par Monseigneur l'évêque. L'une des trois clés sera gardée à Rome, la deuxième à l'évêché de Bayeux, et la troisième dans notre Carmel. Cette précaution rend pour ainsi dire impossible la réouverture des reliquaires, et assure donc l'intégrité du corps des saints dans un même lieu. Les prêtres présents voulurent porter eux-mêmes la jolie châsse du Brésil dans la chapelle de la châsse, où elle est cachée dans une cavité de marbre, en arrière de la grande châsse, dissimulée au regard par une porte de bronze doré. Enfin, pour nous laisser un gracieux souvenir de ces émouvantes journées, Monseigneur se groupa dans le préau, avec les prêtres, au pied de notre petite Thérèse, tandis que Sœur Geneviève tirait quelques bonnes photographies. Le 28 juillet, le soir du centenaire de Monsieur Martin, une personne a pénétré le jardin, jusqu'aux fenêtres des cellules. Sortant des matines, les sœurs allumèrent le cloître, le cordon, la lumière de l'arcade du préau, et la personne s'est mise en fuite. Une nouvelle invasion, au début d'octobre, alors, les sœurs ont décidé de munir les fenêtres du premier étage avec de grilles. 5 novembre 1923, la double agression de cet été ayant inspiré des craintes sérieuses pour la sécurité de la châsse du Brésil et du cher dépôt qu'elle abrite, nous obtînmes de la S-Congrégation des Rites un rescrit autorisant la réouverture de la petite châsse pour en retirer les reliques. Cette cérémonie eut lieu le 9 novembre, sous la présidence de Sa Grandeur Monseigneur le Meunier et en présence des messieurs du Bosc, Quirier, Barrière, Hardy, Germain et Travers. La châsse fut portée à l'infirmerie de Thérèse, et c'est là qu'elle fut ouverte. Le révérend Père Constantin de l'Immaculée Conception Provinciale des Carmes de France, représentant le révérend Père Rodrigue, postulateur, avait apporté la troisième clé reçue de Rome. Les précieuses reliques furent retirées de leur riche reliquaire, et sans être développées des soieries qui les recouvrent, déposées provisoirement dans le petit cercueil de chêne, où elles avaient déjà été mises au cimetière de 1917 à mars 1923. On scella soigneusement le cercueil, et la communauté et le clergé le précédant en procession, on la monta dans l'oratoire mitoyen avec la cellule de notre bienheureuse, en récitant les psaumes des Vierges. C'est là que notre précieux trésor attendra son transfert définitif dans un coffret d'argent doré très simple, que nous renfermerons dans une châsse de bois, copie de l'autre, est placée dans le soubassement en marbre de la Grande Châsse. Le transport définitif des reliques à la chapelle de la Châsse, sans date, avril 1924. Nous avons signalé en novembre 1923 le transport provisoire des reliques de notre bienheureuse dans l'ancien cercueil de chêne sculpté. Le coffret définitif en argent doré, qui les doit conserver étant prêt, Sa Grandeur Monseigneur le Meunier accompagné de Monsieur le Vicaire Général Kyrié, de Monsieur le Chanoine du Bosc, supérieur du Grand Séminaire de Bayeux, de Monsieur le Chanoine Brière, chancelier de l'évêché, du bon Père Pitrou, de Monsieur le Chanoine Hardy, de Monsieur l'Abbé Germain et de Monsieur l'Aumônier vint présider à leur dépôt dans le nouveau reliquaire. La cérémonie eut lieu au chauffoir où nous avions apporté le petit cercueil sur son socle richement orné. Notre sainte chérie présidait sur la cheminée drapée de blanc, au milieu des fleurs et des lumières. Le cercueil et le coffret furent ouverts, et pieusement, aidés des prêtres en habit de cœur, les chères reliques furent transférées de l'un à l'autre. Monseigneur scella le coffret au sceau de l'évêché, le procès verbal de la séance fut lu et signé. Puis deux sœurs chantèrent les jolies strophes composées par notre mère, Pauline, pour le 30 septembre 1921 plus aimable que vénérable. Texte du cantique, avec adaptation au titre de Bienheureuse. La procession s'organisa aussitôt après, les religieuses et les prêtres tenant des cierges. Le coffret d'argent placé sur la civière dorée comme au 25 mars dernier, fut porté par quatre sœurs, tandis que notre petite postulante, vêtue de blanc marchait devant en jetant des fleurs, il s'agit de Mademoiselle Eliane Grasset Morel, 22 ans, de Montpellier, entrée le 8 décembre 1923, et qui prit le nom de sœur Eliane de Jésus. La procession se déroula ainsi sous les cloîtres, précédée de la croix et d'une bannière de Thérèse, et au chant du Magnificat et du Laudat Dominum. Les voix puissantes des ecclésiastiques se mêlaient aux nôtres, et c'est à plein cœur que se poursuivit le cantique de la Vierge Marie. Arrivée dans la chapelle de la Châsse, la civière fut déposée, et le reliquaire placé dans la cavité de marbre en arrière de la Grande Châsse, où il doit désormais être conservé, d'après, Archives Carmel, lisieux.fr du PDF La Châsse du Brésil, Marc Endan. Licence Creative Commons CC 3.0.